بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد شاف خيسور الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à cette troisième séance, de notre séminaire et notre série Les héritiers des prophètes. On est toujours avec notre premier chapitre qui traite de l'importance du savoir et de la connaissance en islam. Et on passe maintenant à la troisième section. On a parlé du mérite ou bien des mérites et de l'importance du savoir, ça veut dire de l'ilm, selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et maintenant, on va aussi partager ensemble quelques mots de sagesse, n'est-ce pas, qui viennent de personnes qui sont sages. Des mots de sagesse de personnes qui sont sages. Voyez. Donc, ahmiyatu al-ilm, l'importance de la connaissance selon des personnes qui sont sages. Ça veut dire, on parle ici des savants, on parle de toute personne qui est sage. Ça veut dire l'importance de la connaissance en général. Et ça, vous allez voir, inshallah ta'ala, surtout au troisième ainsi que quatrième chapitre. Ça veut dire environ le deuxième 50% de notre série, inshallah ta'ala, quand on va parler de l'éthique du savoir ainsi que de la méthodologie de l'acquisition du savoir. On va utiliser beaucoup les mots des savants. Les paroles des savants, vous allez avoir des tonnes comme ça, des dizaines de citations comme ça, des paroles des savants, des sages, etc., etc., sur ce genre de sujet-là. C'est parce que, bien sûr, quand on parle du Coran et de la Sunna authentique, c'est des textes qui sont limités. On a un certain nombre de textes, on peut faire comme ça. Dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, chercher tous les versets qui parlent de la connaissance, tous les hadiths authentiques qui parlent de la connaissance. Après ça, si tu cherches dans les mots des savants, ça n'en finit plus. Parce que ce n'est pas une question d'authentique, ce n'est pas une révélation, c'est des êtres humains, voyez-vous. Donc, tu peux trouver des dizaines et même des centaines. Taïb, partageons quelques mots comme ça qui nous rappellent l'importance de la connaissance. Qil, il a été dit. Ça veut dire, c'est quelqu'un de sage qui l'a dit. Ce n'est pas important de savoir c'est qui. Ilmu rajuli waladuhu al-mukhallad. La connaissance de la personne, c'est son enfant éternel. La connaissance de la personne est son enfant éternel. C'est parce que c'est quelque chose qui va rester après toi, mais qui va rester pour l'éternité. Surtout si c'est du savoir qui était, en quelque sorte, qui était vraiment spécial et qui était de valeur. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, l'un des grands savants de l'islam. Inch'Allah ta'ala, comme j'ai dit, troisième et quatrième chapitre, vous allez apprendre beaucoup de noms comme ça de plusieurs savants de l'islam pour pouvoir savoir qu'il n'y a pas juste 4 ou 5 savants de l'islam, il y en a des centaines et même des milliers. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il a dit « Ma min amalin afdal min talab al-ilmi idha sahhatin niyyah » Ça, c'est un savant qui dit quoi ? « Il n'y a pas une bonne action qui est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Tant que avec une condition, attention, une condition importante, c'est quoi? Que l'intention soit bonne, soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, sois certain qu'il n'y a pas meilleur que l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir plusieurs savants qui vont le confirmer. On va voir des citations à travers les différentes sections de cette série. Incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te montre ici l'importance, encore une fois, de la connaissance. L'importance de la connaissance, que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas limité seulement à donner de l'argent, à faire une sadaqa, à jeûner, etc. Ça peut aussi parfois être le fait de chercher la connaissance, d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maymoun, rahimahullah, un autre savant, qu'est-ce qu'il a dit? Inna mathala al-alimi fil baladi ka mathali aynin azbatin. Il a dit, l'exemple, l'analogie qu'on pourrait donner pour l'existence d'un savant dans un pays, dans une ville, dans un village, c'est quoi? كَمَثَلِ عَيْنٍ عَذْبَةٍ. C'est comme une fontaine d'eau fraîche, ça veut dire d'eau de source, voyez-vous? Parfois, dans les endroits naturels, etc., vous allez directement avoir accès à l'eau de source. Ce n'est pas de l'eau qui est traitée, etc., etc. Il va y avoir comme ça, parfois dans certaines routes, comme ça, dans les montagnes, etc., les gens savent qu'à tel endroit, spécifiquement, les gens s'arrêtent pour boire de l'eau de source, voyez-vous, c'est une fontaine qui est pure. Il a dit l'exemple d'un pays ou bien d'une ville qui a un alim, c'est comme l'exemple d'une ville qui a de l'eau qui est fraîche. C'est parce que c'est une source de vie, une source de vitalité, et c'est aussi une source qui est pure. Tu peux être certain que, alhamdoulilah, tu es en train d'avoir de l'information qui est pure. C'est pas une information traitée comme ça, les gens ajoutaient des produits chimiques, etc. Non, c'est quelque chose, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la guidée qui te vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wasalam à travers les savants jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte. Et ça, bien sûr, on a parlé à maintes reprises de l'importance des savants. Oui. Maymoun, Imam Maymoun, rahimahullah. Et en passant, vous n'avez pas à écrire les citations en tant que telles en arabe, c'est parce que vous allez tout avoir. Dans le document de référence, inshallah, pour ceux qui cherchent à les écrire en arabe, vous allez les avoir, inshallah. C'est mieux de seulement écrire le sens en français, et dans le document de référence, vous allez voir tous ces textes, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'importance des savants. Et on a parlé déjà de l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux savants en tant qu'autorité, voyez-vous? Et ça, on le rappelle, c'est une chose très importante. Que la corruption des sociétés en général, et même des sociétés musulmanes, est reliée à la disparition ou bien à l'exclusion des ulama, des savants. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a informé dans un hadith qu'on va probablement revoir un peu plus tard, inshallah ta'ala, que l'un des signes de la fin des temps, c'est quoi? La disparition du savoir. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wasalam? Ce n'est pas le savoir en tant que tel qui va disparaître. Ce n'est pas les livres comme ça, ils vont disparaître. Non, les livres vont exister, c'est déjà écrit, etc. C'est là. Mais c'est par la disparition des savants, des ulama. Et quand les gens ne vont plus avoir leurs savants, ils vont se référer à des gens qui sont des ignorants et qui vont les égarer du chemin d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tout comme on le voit de nos jours, une chose, une réalité qui se multiplie de plus en plus en quelque sorte. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est une chose qui est très importante. Encore une fois, pour faire un commentaire, vous savez que je suis quelqu'un qui aime toujours mettre en relation la théorie avec la pratique, avec la réalité. Pas seulement la pratique, ça veut dire notre pratique personnelle, mais aussi avec la réalité. Certains diront que ça, c'est de la politique. Ce n'est pas de la simple politique, c'est de la religion. C'est de la religion, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé une religion qui a une position sur toute chose, une explication sur toute chose. Voyez-vous, donc, en tant que musulman, on ne doit pas se limiter à écouter l'analyse de l'expert et des médias et de telle chose, et oublier en quelque sorte l'analyse la plus importante qui est l'analyse de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Voyez-vous, comme on voit de nos jours, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est arrivé lors des deux dernières années, après, en quelque sorte, tous ces gouvernements qui étaient en quelque sorte des tyrans, de tyrannie, etc., etc., qui commencent à tomber l'un après l'autre et qui perdent de leur puissance, et que eux, bien sûr, ils représentaient un sérieux problème dans la Ummah du prophète, alayhi salatu wassalam, mais en plus de leur tyrannie, ces gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait lors des dernières décennies? Ils ont exclu le rôle des ulama, des savants. Voyez-vous, ils ont mis les savants à la marge. Toi, tu te tais. Toi, ton travail, tu vas toujours parler aux gens, quoi? Chapitre 2. De l'hygiène, après ça, chapitre de la prière. Tu avances un peu, chapitre de la zakat, du jeûne, chapitre du pèlerinage. Tu reviens au début du livre et tu recommences le livre. N'avance pas plus, voyez-vous? Donc ça, c'est exclure les ulama, les savants de la vie de tous les jours, ce qui a comme effet que les savants eux-mêmes se sont retirés, n'est-ce pas? Ils ont pris leur distance par rapport à la réalité, et que les gens aussi, la société, les gens en tant que tels, les musulmans aussi, ils se sont distancés, parce qu'ils ne connaissent plus leur savant. Ils pensent que le savant, lui, ne comprend que comment faire ton wudu et comment faire ta salat, etc. C'est parce qu'ils n'entendent pas beaucoup dire ses positions sur autre chose. À la langue, qu'est-ce qui s'est passé? Ces savants-là ont été mis à la marche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as des gouvernements qui perdent leur puissance parce qu'ils étaient des tyrans, des injustes. Et qu'est-ce que tu vas avoir maintenant? Un autre problème, c'est quoi le deuxième problème, le nouveau problème? Hein? Ça, c'est la cause, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est derrière l'explication. Mais c'est quoi le problème? Dans la vie, il n'y a jamais de vide, voyez-vous? Dans la vie, c'est toujours tadafou. Chacun, il pousse pour avoir plus de force et l'autre, il va céder, voyez-vous? Donc, quand tu as des gouvernements qui perdent de leur autorité, de leur puissance, quelqu'un d'autre va venir pour prendre cette puissance. Et là, ça devient les populations, voyez-vous? C'est ce qu'on appelle les masses, en quelque sorte. Les masses qui commencent à prendre de la puissance, de la force. C'est parce que les gens, ils vont se dire, ah, ça veut dire que, ok, à chaque fois qu'on n'aime pas quelque chose, on va faire une manifestation, on va être contre, on va être en quelque sorte, on va faire une nouvelle révolution. et l'autre va faire une révolution contre l'autre révolution et l'autre, etc., etc. Ça veut dire, ça va être une fitna d'une façon qui est différente. Ça veut dire la fitna en quelque sorte est le problème des masses en tant que telles. Voyez-vous? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une autorité qui est l'autorité des ulama, des savants. Et quand cette autorité-là, elle part, elle est mise de côté, elle est fermée, c'est comme la fontaine fraîche de la ville qui vient d'être fermée, qui n'existe plus en quelque sorte, qui n'est pas serviable. Alors les gens, c'est certain qu'ils vont, ne vont pas pouvoir vivre de la façon qui est idéale. Taïb. Qila. Naam. Ça, on va parler de ça, inshallah ta'ala. On va parler, on va voir les mots de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, à ce sujet, quand il va nous décrire c'est qui le vrai alim, c'est qui le vrai alim qui est un héritage des prophètes, alayhim salatu wa salam. Qila, al-ilmu fi sadri kal-misbahi fi al-bayt. Une autre citation, dite par quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, mais il dit quoi? La connaissance dans le cœur, c'est comme une lanterne dans la maison. Ça veut dire une maison sans lanterne, elle va être dans l'obscurité. Un cœur qui n'a pas de connaissance va être dans l'obscurité. Voyez-vous, al-ilmu nurun, n'est-ce pas? La connaissance, le savoir de par sa nature, c'est une lumière. Voyez-vous? Et cette lumière-là, bien sûr, on parle ici de l'ilm qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wahid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, ils ont donné cette excellente analogie pour nous montrer en quelque sorte la continuité de la question de l'ilm. L'ilm nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la lumière. Mais pour pouvoir voir la lumière, tu as besoin de quoi? Pour voir, qu'est-ce que tu as besoin? De tes yeux. Voyez-vous, donc, une personne qui ne peut pas voir pour des raisons médicales, ça veut dire une personne qui est aveugle, voyez-vous, c'est avec la différence, on fait une analogie pour l'explication. C'est pas pour, parce que dans un cas, c'est naturel, c'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre cas, c'est toi qui es coupable, c'est ton problème, voyez-vous. Donc, une personne qui ne peut pas, qui n'est pas voyante, Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par ce manque physique qu'elle a dans sa santé en quelque sorte. Est-ce qu'elle va voir la lumière? Est-ce qu'elle va te dire allume la lumière, éteins la lumière? Non, elle ne peut pas distinguer si la lumière est présente ou bien elle n'est pas présente. Ici, quand on parle au sens de al-ilm, c'est à peu près la même chose. Voyez-vous, une personne qui ne peut pas voir, ça veut dire une personne qui est sans raison, qui n'utilise pas sa raison en quelque sorte. La lumière, elle va exister, c'est le wahid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ici, le Coran il est ici, voyez-vous. Mais est-ce que la personne va le voir? Non, elle n'utilise pas sa raison, elle n'utilise pas le aql que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'importance de l'aql, toujours, ceux qui sont doués de raison. Ulil albab, ulil albab, ça veut dire ceux qui pensent, ceux qui font travailler ici leur cervelle, voyez-vous, pour penser, pour chercher la vérité. Et il y a d'autres personnes aussi qui se pensent excessivement, extrêmement intelligentes, qui font travailler beaucoup ça, ce qui est ici, mais qui éteignent la lumière. Voyez-vous? Et tu peux avoir 10 sur 10 dans tes deux yeux, tu peux avoir, n'est-ce pas, en quelque sorte, la vue la plus précise de ce monde, de tous les êtres humains, mais si tu vas te mettre dans une chambre et que tu vas complètement éteindre la lumière, elle est obscure, est-ce que tu vas voir quelque chose? Non, tes yeux ne te servent à rien du tout. Ça veut dire que tu as besoin de ta raison que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, qui est comme les yeux, et tu as aussi besoin de la connaissance, de la révélation qui est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est an-nur de al-ilm, de la connaissance et de la sagesse de la sunna du prophète alayhi salatu wa as-salam. Qila, il a été dit, man ittakhadha al-ilma lijaman ittakhadahu an-nasu imaman. Ça sonne bien en arabe, voyez-vous. Man ittakhadha al-ilma lijama ittakhadahu an-nasu imama. C'est quoi le sens? Celui qui fait de al-ilm son lijam. Le lijam, je ne sais pas comment on s'appelle ça en français, j'ai oublié, c'est en quelque sorte ce qu'ils mettent ici pour un cheval, ou bien même pour un chien parfois, pour un harnais. Oui, exactement, harnais. Première fois que j'entends ce mot. Celui qui fait de la connaissance Son harnais, ça veut dire quelque chose qui va le retenir. Ça veut dire c'est la connaissance qui le retient. Voyez-vous, parfois il va vouloir faire des choses, la connaissance lui dit non, non. N'est-ce pas ? وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ça veut dire quelqu'un qui peut se retenir de par la connaissance. C'est la connaissance qui guide ses actions. Il fait, il ne fait pas. اتَّخَذَهُ النَّاسُ إِمَامًا. Les gens vont le prendre comme ça, ils vont faire de lui un imam. Ça veut dire un modèle, un dirigeant, un exemple. Voyez-vous, un leader, de façon qui est automatique. Voyez-vous, c'est ça la différence entre l'imam et entre l'imara. Imamun, amir, voyez-vous, comme les ulama ils ont dit, l'imamatu fi din, imamatun bila imara. Ça veut dire, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va s'appointer. Il va dire, moi je suis votre dirigeant à partir d'aujourd'hui. C'est parce que moi je possède l'argent et je possède le pouvoir. Et tout celui qui ose sortir de mon autorité, je vais lui faire telle et telle chose. Non, ici c'est différent. Les gens vont le prendre, ils vont dire, toi tu viens et on veut que tu sois notre modèle, notre leader en quelque sorte. C'est parce qu'il a fait de la connaissance son guide dans ses actions. Alors les gens vont voir ses actions, on va dire, ça c'est quelqu'un qui est très sensé. Ça c'est quelqu'un qui agit avec, en connaissance de cause. On voudrait qu'il applique les mêmes règles sur notre vie communautaire, en tant que groupe, en tant que tel. وَمَنْ عُرِفَ بِالْحِكْمَةِ لَاحَظَتْهُ الْعُيُونُ بِالْوَقَارِ. Et celui qui est connu par الْحِكْمَة, par la sagesse, les yeux vont le regarder par le respect, vont toujours avoir du respect pour lui. Voyez-vous, les gens, bien sûr, l'être humain, avec, de par sa nature, il aime être respecté. L'être humain, de par sa nature, il aime être respecté, voyez-vous. Et les gens, ils cherchent du respect par différentes façons de nos jours. Quelqu'un, il veut être riche pour être respecté. L'autre, il veut être influent pour être respecté. L'autre, il veut crier fort pour que les gens le respectent. L'autre, il veut être fort physiquement pour que les gens le respectent, etc., etc., etc. Alors que la chose la plus facile pour être respecté, c'est la connaissance. C'est l'ilm, c'est parce que c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis de façon qui est automatique. Quand une personne se distingue par la connaissance, habituellement, ça tu le connais. Parfois, tu vas voir quelqu'un plus jeune que toi, plus pauvre que les autres, etc., etc. Mais les gens savent que quand lui, il est présent, il ne devrait pas s'aventurer à inventer n'importe quoi. C'est parce qu'ils savent qu'il va faire de eux une dérision, en quelque sorte. Voyez-vous, ils vont dire, ah, lui a beaucoup de ilm, etc., etc., n'est-ce pas? Et bien sûr, plus que ça, quand les gens, ils ont, si on parle de musulmans et de croyants, etc., on sait tous que quand les musulmans et les croyants, ils voient un alim, ils vont tous le respecter, etc., etc. Les gens, subhanallah, juste en parlant de ça, on va juste donner un exemple comme ça, n'est-ce pas? Al-ulama, les savants qui sont warathat al-anbiya, de cette autorité que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, qui est une autorité qui est naturelle, voyez-vous, faut pas mélanger ici, parce qu'on va parler de ça. Ici en islam, quand on parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose de très important, ici une petite distinction, c'est pas à mélanger avec, par exemple, les hommes de religion, des chrétiens, etc., etc. Voyez-vous, des autres religions. On parle pas de la même chose ici, on parle pas d'une autorité au sens que toi tu es un savant, alors tu devrais... N'est-ce pas, c'est toi que tout le monde doit travailler pour toi, et n'est-ce pas, et toi tu as le droit de demander de l'argent des gens, etc. C'est pas dans ce sens-là, voyez-vous, c'est parce que il y a pas de fanatisme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le respect pour le savant, c'est un respect pour lui en tant que source qui nous indique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas plus que ça. C'est pas quelqu'un à qui on va en quelque sorte. C'est pas quelqu'un qui a le droit de prendre tout ce qu'il veut de notre argent, etc. C'est pas un prophète, voyez-vous. Mais ici, ça reste qu'un alim, habituellement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner le respect et l'amour dans le cœur des gens, jusqu'au point que les gens ne vont parler à personne sauf au alim. Les gens vont aller au alim, imaginez ça, je vais vous donner un exemple. Les gens, quand il s'agit de faire leurs impôts, de faire leurs déclarations d'impôts, qu'est-ce qu'ils font les gens? Surtout les personnes qui sont riches, comme ça, des commerçants, etc. Ils font quoi habituellement? En général, honnêtement. Comptable, ils vont demander quoi? C'est quoi qu'ils veulent du comptable? Payer le moins possible, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire entrer ça? Est-ce que ça va compter comme une dépense? Et j'ai entendu parler qu'il y a un programme comme quoi on va faire une déduction dans ça. Est-ce que ça, c'est nécessaire de le déclarer ou c'est pas nécessaire? Voyez-vous? Ils veulent payer moins. Voyez-vous? Les gens, quand ils vont au alim, un riche, il va au alim, il va voir un savant. Il va dire, Yachir, j'ai une question à te poser. Est-ce que je peux prendre 15 minutes de ton temps? Oui. Peut-être ce savant-là n'a ni autorité, ni soldat, ni peut te juger, ni rien, ni rien, ni rien. C'est les gens qui vont aller vers lui. C'est personne qui les a forcés à le faire. Il va dire, yeah, cher, il va sortir comme ça. Regarde, cette année-là, j'ai fait un gain comme ça dans mon commerce, 25 millions de dollars et telle et telle et telle chose. Et j'ai dans ma banque tel montant d'argent, etc., etc. Combien je dois payer la zakat? Dis-moi combien je dois payer la zakat. Et ce qu'il lui dit, il va l'appliquer. Il va donner la zakat. De son cœur, de son propre gré. Voyez-vous? Quelqu'un, il va aller voir un savant, va dire, yeah, cher, j'ai un problème avec ma femme. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il va parler de sa vie privée comme ça. C'est lui-même qui va le faire, personne ne lui demande de le faire. C'est lui qui va venir parler de sa vie privée pour demander conseil. Voyez-vous, ça encore une fois, ça fait partie de As-Sultan qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux ulama, il accorde aux savants. C'est une chose qui vient de façon qui est naturelle. Quand une personne a l'hikma, a l'ilm, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder ce statut dans le cœur des croyants. Qila. Il a été dit, تعلموا العلم فإن استغنيتم كان لكم كمالا وإن افتقرتم كان لكم مالا. Il a été dit, cherchez la connaissance. Et ici, bien sûr, il part probablement de la connaissance au sens général. Ce n'est pas juste la connaissance de la religion dans cette citation-là. Cherchez la connaissance. Parce que si vous allez être un jour riche, ça va être un plus pour vous. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui va ajouter à votre richesse. Ça veut dire que tu es un riche et tu es quelqu'un qui est un connaisseur, un savant. وَإِنْ افْتَقَرْتُمْ Et si un jour tu vas être pauvre, au moins, كَانَتْ لَكُمْ مَالًا Ça va être ton argent. Ton argent, ça va être ta connaissance. Ça veut dire que quand tu as la connaissance, personne ne peut jouer avec toi. Personne ne peut te manipuler. Même si tu es pauvre, tu peux te faire respecter par ta connaissance. Les gens, ils savent que toi, tu n'es pas quelqu'un qui est n'importe quelle personne, ils ne peuvent pas essayer en quelque sorte de t'influer, de te faire influencer ou bien d'être injuste envers toi, etc. Parce qu'ils savent que toi, tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un qui a la connaissance, etc. قيل من الدليل على فضل العلماء أن الناس تحب طاعتهم. Il a été dit, l'une des preuves qui nous indique le mérite des savants et leur importance, c'est que les gens aiment leur obéir. Les gens aiment obéir aux ulama, aux savants. Encore une fois, comme je l'ai et comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est une chose qui vient de façon qui est instinctive. Et on va le voir un peu plus tard, inshallah, je ne me rappelle plus dans quelle section, mais on va voir une citation comme ça de l'un des ulama qui te montre comment est-ce que ça fonctionne. Vois-tu, c'est comme le alim, le plus qu'il a de ilm, le plus que les gens vont courir derrière lui. Ils veulent lui obéir. Et lui, il va s'évader. Parce qu'il ne veut pas de responsabilité, voyez-vous? Ça, c'est comme la nature de l'ilm. On va voir la citation un peu plus en détail un peu plus tard, inshallah. Qala Ja'far ibn Muhammadin. Ja'far ibn Muhammad, l'un des ulama, il a dit: Wama mawtu ahadin ahabu ila iblis min mawti faqih. Il n'y a pas la mort de quelqu'un, le décès de quelqu'un qui va faire réjouir le shaytan que le décès d'un savant, d'un alim. Pourquoi il va dire, ah, alhamdulillah, je viens d'avoir, bien sûr, il ne dit pas alhamdulillah, mais il va se dire, je viens d'avoir maintenant un nouveau passage qui vient de s'ouvrir vers l'égarement des gens. C'est parce qu'il y avait comme ça quelqu'un qui surveillait ce passage-là et qui vient de mourir, qui vient de disparaître. Il a été dit aussi, al-ilmu ashraful ahsab. Regardez ça, ils disent, al-ilm, la connaissance, ça représente ashraf, le plus noble des ahsab. C'est quoi l'hasab? Hein? Al-hasab. C'est quoi l'hasab en arabe? Quand on dit al-hasab de telle personne, c'est quoi? Ça veut dire sa descendance. Voyez-vous, l'hasab habituellement, moi je suis le fils de telle personne. Voyez-vous, mon grand-père, c'était telle et telle et telle personne. Tout le monde le connaît. Voyez-vous, ça, c'est ce qu'on appelle al-hasab, l'affiliation par la descendance. Voyez-vous, donc, surtout dans le temps des Arabes, les Arabes, ils connaissaient leur hasab par cœur. Ils vont te dire, moi, je suis tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, il peut revenir à son 15e grand-père sans problème. Là. Voyez-vous, mais dans leur temps aussi, ils avaient comme problème quoi? Al-fakhrubi, al-ahsab. Chacun va dire, comme de nos jours, comme ça, quelqu'un va dire, moi j'ai une maîtrise, moi je suis docteur, vous m'appelez docteur, voyez-vous? De nos jours, non, non, m'appelle pas par mon nom. Je m'appelle docteur telle personne. Attention, parce que j'ai un doctorat, PhD, voyez-vous? Ça c'est Al-Fakhr. Dans leur temps, les Arabes n'avaient pas ça, ils avaient autre chose. Tu m'appelles fils de tel et tel et tel arrière-grand-père. C'est parce que tu dois savoir que je viens de sa descendance. Voyez-vous? Donc ils disent, Al-ilmu ashraful ahsab. Il n'y a pas un hasab qui est plus haut que la connaissance, que le savoir, parce que le savoir c'est une continuité, encore une fois, surtout si ça vient de l'héritage des prophètes, alayhi mussalat wa assalam. Abu al-Aswad al-Du'ali, un autre savant, il a dit Al-Muluku hukkamun ala al-Nas. Ça c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, un peu plus tôt dans notre dernière séance. Il dit, les dirigeants, les rois sont des dirigeants sur les masses. Al-Muluku hukkamun ala al-Nas. Wal-Ulama hukkamun ala al-Muluk. Et les savants sont les dirigeants des rois. Voyez-vous? Les masses, les rois, les savants. Les rois au sens des dirigeants, pas au sens des rois qui possèdent. Non. Ibn al-Muqaffa, l'un des savants qui sont connus pour leur sagesse aussi, il a dit « Utlubu al-ilma, cherchez la connaissance, fa in kuntum mulukan ». Barazdum wa in kuntum sawaqatan ishtum. Il a dit cherchez la connaissance. Pourquoi? Parce que si un jour vous allez devenir des dirigeants, des chefs, vous allez vous distinguer. Ça c'est un chef mais qui a de la connaissance. C'est pas quelqu'un qui a seulement la puissance, le pouvoir, il a aussi de la connaissance. Wa in kuntum sawaqatan, et si vous allez faire partie des masses comme ça, une personne comme toute autre personne, qu'est-ce qu'il dit? Ishtum, tu vas bien vivre parce que tu as la connaissance. Encore une fois, il a dit, utlubu l'ilma, cherchez la connaissance. Fa in kuntum mulukan, barazdum. Si un jour vous allez devenir des dirigeants, vous allez vous distinguer. Vois-tu? Va dire, tel dirigeant, c'est quelqu'un qui se distingue par la science, par la connaissance. C'est pas quelqu'un qui a cherché le pouvoir seulement par sa force, comme ça, qui sait comment se faire de l'argent et donner des ordres. Non, c'est quelqu'un de sage. C'est un dirigeant, mais c'est un dirigeant qui est sage. Wa in kuntum sawaqatan. Et si, dans ton avenir, tu ne vas pas être un dirigeant, tu vas être comme ça, monsieur, madame, tout le monde, une personne de la masse, qu'est-ce qu'il dit? Ishtum, tu vas bien vivre. Ça veut dire, personne, encore une fois, personne ne va te faire égarer. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens, les masses, ils font quoi? Parce que les gens manquent de ilm, c'est quoi l'impact? C'est quoi les conséquences? Ils se font guider à droite et à gauche, n'est-ce pas? Les gens, ils mettent comme ça la télé, comment ça? Regardez comme ça, pendant 2 heures, il est en train absorbé. Ils mangent comme un sandwich, n'est-ce pas? Ils mangent. Ils disent, tu dois faire ça. Et pour bien vivre, tu devrais t'habiller comme ça. Et parler comme ça. Et faire comme ça. Ils lui entraînent d'absorber. Le lendemain, il sort dehors et commence à pratiquer ça. N'est-ce pas? 2 jours par la suite, il revient. Regarde la télé. Ah, la tendance, elle a changé. C'est une nouvelle mode. Maintenant, tu dois te comporter comme ça. Et comme ça, et comme ça. T'habiller comme ça, et comme ça. Ok, le lendemain, il va sortir. Il vit comme une personne qui est différente. Etc. Ça veut dire, il est guidé comme ça, n'est-ce pas? Et vous savez tous que les médias, en général dans le monde, surtout dans les pays qu'on appelle les pays industrialisés, etc., en général, tous les médias, la plupart des médias sont des consortiums. Ça veut dire, tu peux avoir 50 chaînes, n'est-ce pas, sur ta télécommande comme ça, regarder. 25, 30 chaînes appartiennent toutes à la même personne. C'est une seule personne, un seul milliardaire qui possède tout, voyez-vous? Et lui, comme ça arrive très souvent, tu as trouvé le même milliardaire, le même investisseur, le même propriétaire. Il possède 25 chaînes de télé, 50 chaînes de radio, n'est-ce pas? Il possède 15 magazines. De nos jours, il possède par exemple même des magasins de vente de musique, de vente de livres, etc. Ça veut dire qu'il contrôle ta vie. C'est une personne qui contrôle la vie des masse. Et les gens sont très contents, ils ont envie dans l'ère de l'ouverture, démocratie comme ça, on peut s'échanger de l'information, etc. Et c'est pas que tout, c'est une personne. Et dans chaque pays, ça c'est, il n'y a presque pas d'exception. Vous pouvez même faire vos propres recherches personnelles. Dans presque chaque pays, tous les médias reviennent, le principal, 90-95% des médias, de tous ces médias-là, reviennent à 2-3 personnes. Ça veut dire, il y a 2-3 grands consortiums comme ça qui se partagent le marché. Voyez-vous? Et lui, il va, bien sûr, c'est son droit, il possède ça. Voyez-vous, il possède. Il ne va pas dire au journaliste, c'est ça ce que tu dois dire et c'est ça ce que tu dois dire. Mais il va mettre des lignes directrices. C'est mon business, c'est un commerce. Ça veut dire, moi je te dis, j'aime que tu parles avec telle tendance. Je n'aime pas ta présentation, je termine ton contrat. Je ramène quelqu'un d'autres tu parles bien, j'augmente ton salaire, etc. Donc même le concept de liberté du journaliste, etc., ce n'est pas quelque chose qui existe en réalité, c'est parce que ça existe dans une certaine zone, voyez-vous, mais c'est lui qui choisit pour les gens qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, qu'est-ce qu'ils regardent comme film, qu'est-ce qu'ils doivent lire comme livre, etc. Et quand tu n'as pas le ilm, tu n'as pas le filtre pour pouvoir distinguer et réfléchir par toi-même, tout ce que tu vas faire, c'est suivre comme un mouton. Les gens le font, je vais le faire moi aussi. Et finalement, وَالْعِلْمُ يُبْقِي ذِكْرًا أَكْثَرْ مِنْ ذِكْرِ الْمُلُوكِ. Je vais vous poser une question comme ça, avant de expliquer ça. Qui pourrait nous mentionner, comme ça, on va faire ça, un exercice rapide. Donnez-moi des noms de ulama, de savants de l'islam, du passé. Ja'far ibn Muhammad. Ibn al-Qayyim. Maymoun. Hein? Oui, du passé, n'importe lesquels. Comme ça, rapide, rapide, un après l'autre. Taïm. Ibn Taymiyyah, quoi d'autre? Uthaymin, quoi d'autre? Ibn Baz, quoi d'autre? Chacun peut, toute personne là, bon, une personne qui est nouvellement pratiquante, c'est normal, qui vient de commencer à pratiquer, etc. Peut-être qu'on n'en connaît pas beaucoup, à part peut-être Bukhari, etc., c'est normal. Mais toute personne qui a été, n'est-ce pas, qui pratique l'islam, qui s'intéresse à l'islam, depuis un an, deux ans, comme ça, peut facilement te faire une liste comme ça d'une vingtaine, d'une trentaine, voyez-vous? Si on fait le même exercice, on va dire, donnez-nous le nom de certains dirigeants de l'islam dans le passé, pas de nos jours. De nos jours, tu les écoutes à chaque fois dans les médias, ils te disent c'est tel et tel et tel. Harun Rashid. Salahuddin. Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. À part les quatre califes, ça c'est facile. Yazid ibn Muawiya. Pensez-vous que les gens peuvent écrire une liste comme ça de 20-30 personnes rapides? Non. Malgré que c'était des... Zahir Babers. Naam. Malgré que c'était des dirigeants, voyez-vous, mais on se rappelle juste de ceux qui ont vraiment fait quelque chose de spécial, là, comme, n'est-ce pas? Comme Salahuddin, etc. Ça, c'est des personnes qui ont fait quelque chose de spécial. La Ummah va toujours se rappeler. Mais quelqu'un qui a été un dirigeant, à part les quatre califes comme ça, et Omar ibn Abdelaziz, les autres, la plupart des gens ne les connaissent pas, voyez-vous? Et ça, c'est un signe qui t'indique la supériorité du alim par rapport à même la personne qui a une autorité, même un malik, un roi, des rois, si vous allez lire, subhanallah, dans les livres de l'histoire de l'islam, il y en avait des centaines et des centaines et des centaines, parfois même des rois comme ça, de façon qui est régionale, temporaire, etc. Tu vas lire le livre comme ça, tu lis, après deux jours, on va te demander c'est quoi que tu as lu, c'est quoi leur nom? Wallah, je me rappelle pas. Ok, il a régné 5 ans, 6 ans, 7 ans, après ça il est mort, il y a eu un autre, voyez-vous. Donc, si tu regardes ça avec une distance, ça ne représente rien. C'est quoi 5 ans dans 1400 années? Ce n'est rien du tout, voyez-vous, et pour une petite région. Mais al-ilm, combien de fois dans ta khutbah tu vas dire, rawahu, tu vas entendre dans ta khutbah, rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim, rapporté par Abu Daoud, rapporté par Tirmidhi, tel imam il a dit, tel imam, opinion de Malik. Chaque fois, chaque semaine, tu te rappelles de ça. Malik, rahimahullah, Shafi'i, rahimahullah, etc., etc. Ce qui te, encore une fois, il te rappelle et il t'indique l'importance de l'ilm et de l'ulama auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, quatrième section. On passe maintenant à la quatrième section, incha'Allah ta'ala. Wujubu talabil ilm. On va parler maintenant de l'obligation de l'apprentissage. L'obligation de l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on parle plus spécifiquement de la connaissance religieuse. On va parler un peu plus tard, Inch'Allah, de la question de la connaissance en général, ça veut dire ce qu'on appelle de nos jours les études académiques à l'université ou autre chose. Il y avait une question? La troisième, c'était le savoir, l'importance du savoir selon les mots des sages. Maintenant, la quatrième, c'est l'obligation de l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'obligation de l'acquisition de al-ilm, ou bien du savoir, ou bien de la connaissance. On a ici un hadith très important. Pourquoi est-ce qu'on mentionne une telle section? C'est parce que quelqu'un pourrait dire, Wallahi, c'est très beau, tout ce que tu viens de mentionner, toi, tous ces beaux hadiths et textes, etc., c'était vraiment plaisant à écouter, mais moi, je préfère la vie facile. Je préfère faire ma prière, faire ma zakat et m'allonger. Je ne veux pas ça lire des choses et venir à des halakas, etc. tant que je fais ma prière, etc. On va lui dire, attends. Ça ne veut pas dire que la connaissance est une simple question de mérite. Parce que la connaissance et l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement seulement optionnel, voyez-vous. Et c'est pour ça qu'on a un hadith authentique du prophète, alayhi salatu wasalam, comme dans Sahih al-Jami', dans lequel il dit, alayhi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. L'apprentissage, la quête vers la science est une obligation sur chaque musulman. Ça, c'est les mots du prophète, alayhi salatu wasalam. Ça veut dire, l'obligation, ce n'est pas seulement de faire ta prière, tu as d'autres obligations, dont et incluant l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même que l'apprentissage devrait précéder l'action et les bonnes actions. On parle souvent de l'importance des bonnes actions, n'est-ce pas? L'amal as-salih, faire les bonnes actions, nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la première bonne action à faire avant les autres bonnes actions, c'est quoi? L'apprentissage. Est-ce que ça, on l'a inventé? Non, on ne l'a pas inventé. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhanbika. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est un ordre. Sache donc, fa'alam, ça veut dire tu dois savoir que la ilaha illallah. Et après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dhanbik, et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ton péché. Donc voyez-vous, avant la ilaha illallah, on doit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit savoir que la ilaha illallah, ça veut dire la ilaha illallah, il faut la comprendre, il faut la connaître. Il n'a pas dit subhanahu wa ta'ala, qul la ilaha illallah. C'est pas seulement dis la ilaha illallah. Avant de la dire même, tu dois la connaître, la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous? Et avant de faire l'istighfar, avant de dire astaghfirullah, tu dois apprendre la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est pas fata'allam la ilaha illallah. Ici, ce n'est pas apprendre l'expression à la dire. C'est fa'alam annahu. Ça parle du sens. Ça ne parle pas des mots en tant que tels. Voyez-vous? Ça veut dire comprends qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Et puis, implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes péchés. Ça veut dire, l'action vient après la connaissance. C'est pour ça que l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, il a pris ce verset et il l'a mis au début d'un chapitre. Qu'est-ce qu'il a nommé ce chapitre-là? Il a dit, « Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ». Il a dit, chapitre de points, ou bien section de points, la connaissance avant la parole et l'action. Et il a commencé, il a dit, voilà le verset qui le prouve en quelque sorte. C'est clair? Taïb, écoutez ce hadith. Ce hadith, on devrait l'écrire à la porte d'entrée de chaque musulman de nos jours. An Ata ibn Jabir, radiyallahu anhu. Ata ibn Jabir, il a dit. C'est l'un des compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Kharajna fi safarin. Une fois, on est sorti dans un voyage. Ça veut dire un groupe de compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Fa asaba rajulan minna hajarun fa shajjahu fi ra'sihi. L'un d'entre nous a été atteint par une roche et il a eu une blessure sérieuse sur son crâne, sur sa tête. Voyez-vous? Thumma ihtalama. Et il a perdu ses ablutions majeures. Après ça, rien à voir avec la blessure, bien sûr. فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمْ. Ça veut dire ici, il a perdu son état de tahara, de purification majeure, de pureté majeure. Ça veut dire qu'il a dû prendre un bain. C'est obligatoire de prendre le bain rituel. Ça veut dire al-rusl, voyez-vous. Mais lui, il se trouve qu'il est malade. Et il a peur que s'il va prendre un bain, bien sûr, dans ce temps-là, il n'y a pas les hôpitaux et les soins, etc., pour bien te protéger. N'est-ce pas? Tu es dans un voyage, tu es dans le désert. Ça veut dire, mettre de l'eau abondante sur ta blessure, ça pourrait être grave pour ta santé et même pour ta vie. فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمْ. Il a dit à ses compagnons, à ses amis comme ça, « Pensez-vous que j'ai le droit comme ça de faire le tayammum ?» Le tayammum, c'est quoi? Hein? L'ablution sèche, c'est ça. Ça veut dire qu'à la place de faire tes ablutions avec de l'eau, tu vas les faire avec de la terre ou bien avec une roche, par exemple. Voyez-vous, donc, il a dit, pensez-vous que j'ai le droit de faire tayammum? Alors, ils ont dit quoi? Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala al-ma'. Ils ont dit, non, non, non, non, non. Tu n'as aucune excuse, sachant que tu as trouvé de l'eau. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont sauté à donner la réponse, à fournir la réponse. Quelqu'un leur a posé la question, sans connaissance de cause, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu à la personne en pensant se référer au Coran. Ils ont dit parce que le Coran, le Karim, il dit quoi? وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si vous ne trouvez pas de l'eau, alors faites votre tayammum. Ils ont dit, c'est ça ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et puisque toi, tu as trouvé de l'eau, alors tu ne peux pas faire ton tayammum. Voyez-vous, ils se sont précipités à donner la réponse. Alors l'homme les a crus, qu'est-ce qu'il a fait? فَغْتَسَلَ فَمَاتَ. Il a pris son bain rituel avec de l'eau et il est mort. Il est décédé à cause de ça, ça veut dire parce que, comme on l'a mentionné, c'était probablement une blessure qui était grave. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. Quand on est revenu chez le prophète, والسلام, on lui a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète, والسلام, c'est extrêmement, était extrêmement en colère. Et il a dit قَتَلُوهُ. Ils l'ont tué. قَتَلَهُمُ اللَّهُ. Il a même fait un dua contre eux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam? أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَال. Il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ils auraient dû demander quand ils étaient ignorants. Ça veut dire ces personnes-là, il y a quelqu'un qui leur a demandé une question. Eux, ils ne connaissaient pas la réponse. À la place de dire, on ne sait pas, on va demander à d'autres, on va se référer au prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités à fournir la réponse en quelque sorte. Alors il dit, alayhi salatu wassalam, ils auraient dû demander. Et après ça, il dit, alayhi salatu wassalam, et ça, tu dois écrire ça. C'est une chose à connaître par cœur, pas pour l'examen, mais pour ta pratique en tant que musulman. Innama shifa'u al-'iyyi as-su'al. Certes, la guérison de l'ignorance, c'est le questionnement. Ça veut dire, tu ne sais pas, tu demandes. Fas'alou. Ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. On a déjà mentionné le verset. Voyez-vous donc, regardez quand il dit alayhi salatu wassalam. On va prendre quelques, comme ça, quelques leçons de ce hadith. Quand il dit innama shifa'u, certes la guérison de l'ignorance, ça veut dire que quoi? Que l'ignorance est une maladie. Voyez-vous, c'est quelque chose de négatif. Et que pour guérir cette maladie, tu devrais demander, tu devrais apprendre, tu devrais te référer à une personne qui possède la connaissance, voyez-vous. Et on regarde aussi dans ce hadith le danger, on va parler de ça quand on va parler de l'éthique du savoir, de la connaissance, le danger d'inventer des réponses, le danger de répondre quand on n'est pas qualifié à répondre. Tu vas dire, ah ouais, j'ai lu un verset qui a dit telle chose, n'est-ce pas? Parfois tu penses connaître parce que tu penses que tu as un verset, tu as un hadith, voyez-vous. Mais la question, c'est, est-ce que tu as étudié ça en détail? Est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu as lu pour apprendre ce que les savants, ils en disent sur ce sujet en général? Pas seulement sur ce verset-là, voyez-vous. Parce que le verset ne te dit pas que, non, non, non, non, la personne qui est malade, même si elle est malade, elle doit prendre son bain. Tout ce que le verset, il te dit, c'est, si tu ne trouves pas d'eau, alors Allah subhanahu wa ta'ala te donne le droit de faire le tayammum, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres textes qui nous indiquent que ce n'est pas seulement pour la personne qui ne trouve pas de l'eau, pour la personne qui est malade aussi, qui trouve de l'eau mais qui ne peut pas l'utiliser, elle peut faire le tayammum, etc., etc., etc. C'est clair? Des questions sur ça? Taïb. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'obligation. L'obligation pour toi en tant que personne, tu dois apprendre la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et la Ummah aussi, en tant que communauté, elle a l'obligation, en tant que communauté aussi, de former des ulama, de former des savants. Ça veut dire, les ulama, ils ont dit par exemple, quand il y a un groupe de personnes qui vivent dans une ville, dans un village, mettons il y a un village avec 50 musulmans comme ça, qui vivent dans une région qui est éloignée, c'est un village, voyez-vous, ils ont l'obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala de façon qui est permanente de veiller à toujours former des personnes qui ont de la connaissance parmi eux. Ça veut dire, à chaque deux ans, trois ans, comme ça, ils vont prendre l'un de leurs jeunes du village, vont dire, ah, toi tu es très intelligent, etc. On veut que tu ailles apprendre la religion pour revenir nous enseigner par la suite. Et on a aussi l'obligation de te prendre en charge. Ça veut dire financièrement, etc. On va te payer ton voyage pendant 2 ans, 3 ans. On va te donner l'argent qui est nécessaire. Quand tu vas revenir, tu vas être toi notre savant pour notre village. Mais ils doivent veiller à toujours avoir un savant qui peut servir leur communauté. N'est-ce pas, voyez-vous? C'est pour ça que l'ulama, subhanallah, comme Imam Ibn Hazm et d'autres ulama, ils sont allés au point, écoutez bien ça, de dire que si des musulmans vivent dans un lieu, mettons un village, une ville, etc., où ils n'ont pas de savants parmi eux, et qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des savants là où ils sont, et qu'ils ne peuvent pas former des savants sur le champ ou ramener un savant pour qu'ils vivent avec eux, ils doivent faire la hijra, ils doivent quitter cette place-là et aller chercher, aller vivre dans un lieu dans lequel il y a un savant auquel ils peuvent se référer. Voyez-vous jusqu'à quel point l'importance de l'ilm en tant que tel, c'est parce que si on vit, mettons, dans un contexte, dans un lieu comme ça, où personne, wallah, on ne sait pas. Est-ce qu'on prie comme ça? On ne sait pas, peut-être. Est-ce que ça c'est halal ou c'est haram? On ne sait pas. On va se référer au chef de la tribu, ce qu'il dit, on va l'appliquer, voyez-vous? Alors là, on vient de se mettre dans une situation qui est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le prend d'où? Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Tawbah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ce verset, il s'adressait aux compagnons et bien sûr à toute la Ummah après eux. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit que les compagnons, lors du temps du prophète, les croyants, non, ils ne devraient pas tous sortir lorsqu'il y a, mettons, une bataille ou bien un ennemi qui va venir, etc. Ils ne devraient pas tous sortir en même temps pour aller faire la guerre. Qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ. De chaque groupe de croyants, ils devraient réserver un petit groupe de eux qui ne va pas participer à la guerre avec eux. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il va faire? لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, pour qu'ils apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, pour que quand les autres vont revenir, ils vont trouver que les savants sont encore là, ils ont appris la religion, ils vont répondre à leurs questions, etc., etc. Donc ça veut dire, même si la communauté des croyants va dire on va tous sortir fi sabilillah et c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne parle pas ici de la dunya, ils vont dire on va faire du commerce, etc., ils veulent tous aller fi sabilillah, etc., même ça Allah subhanahu wa ta'ala leur dit non, il faut qu'il y ait un groupe de vous qui va se consacrer à l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y ait toujours un groupe qui garde la religion et qui peut la transmettre aux autres et qui peut répondre aux questions en quelque sorte. Et comme j'ai dit, ça c'est un wajib, c'est fardu kifayatin, voyez-vous, c'est une obligation sur la communauté. En passant, pour être encore une fois pratique, voyez-vous, pour être pratique, pour ne pas parler de choses qui sont purement théoriques, pour être pratique, quand on parle de ce genre de wajibat, ce qu'on appelle furudu al-kifaya, les obligations sur la communauté, ça veut dire, si on est 50 personnes dans une ville, tous comme ça, on vit ensemble, on a une ville, on est 50 personnes, 500 personnes, mettons une communauté, et on n'a pas de savant parmi nous. On n'a pas de savant. Est-ce qu'on est dans le mal ou dans le bien? On est blâmable, n'est-ce pas? Et c'est qui a blâmé, plus spécifiquement? Tout le monde, voyez-vous, tout le monde. Parce que c'est ce qu'on appelle une obligation communautaire, voyez-vous, c'est comme l'obligation communautaire d'avoir une mosquée. Si on est encore une fois, on est 500 personnes dans un lieu, on est une communauté, et on n'a pas de mosquée où prier. Si l'un d'entre nous va dire, moi je vais construire une mosquée, alhamdoulilah, il vient de couvrir l'obligation, mais c'est lui qui va prendre la récompense. Nous on ne prend rien, voyez-vous. Mais si personne ne le fait, on est tous à blâmer, voyez-vous, et ça fait partie de ces furudul kifaya, de ces obligations, voyez-vous, d'assurer toujours qu'il y ait des moyens d'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un de ces moyens-là, voyez-vous, quand on a par exemple, comme dans une ville comme ça, voyez-vous, quand on n'a que quelques programmes comme ça pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tous l'obligation de veiller à leur existence et à leur préservation. C'est pas un choix. On n'a pas le choix d'avoir des programmes comme ça ou bien de ne pas avoir. C'est parce que si tous, on va dire, on va pas avoir des programmes comme ça, qu'est-ce qu'on va se retrouver avec une communauté dans laquelle Il n'y a pas de moyen d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que toi tu connais, et moi je connais, et lui, il connaît. Mais quand il va y avoir quelqu'un qui ne connaît pas, il veut apprendre, c'est où qu'il va apprendre? Nulle part. Rien n'est offert, voyez-vous. Et ça fait partie de ça, le simple fait. Donc ici, le simple fait que vous êtes ici, alhamdoulilah, pour apprendre la religion, déjà ça c'est une ibad. On a parlé de ça auparavant. Voyez-vous, on avait dit que celui qui marche, sans parler que quand tu es en train d'apprendre, même lors de ton chemin, quand tu prends un chemin pour aller apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite un chemin vers le paradis. Et en plus de ça, toi, en étant ici, tu es en train d'assurer la présence de ce service minimum. Voyez-vous, c'est un service minimum qui est offert. Parfois, même si toi tu connais, mais ta présence fait en sorte que le service, il fonctionne, il est là. C'est parce que si chacun va dire, ah, comme certains disent, non mais c'est pourquoi est-ce que je viendrais à un cours? De nos jours, tu peux apprendre sur Internet. Voyez-vous, tu peux trouver des vidéos sur Internet, tu vas voir. Ok, si moi je vais apprendre par Internet, et toi tu apprends par Internet, et l'autre par Internet, et l'autre par Internet, qu'est-ce qui va rester? Rien ne va rester. Voyez-vous, il ne va plus avoir de moyens. C'est parce que ce qui est offert habituellement sur Internet, il vient à travers des cours qui sont offerts. Voyez-vous, donc si chacun va dire, moi je vais apprendre par Internet, il n'y aura rien. Et quand il n'y aura rien, il y aura un vide. Et le jour où quelqu'un va dire, mes frères, je vais apprendre ma religion, wallah, je vais apprendre ma religion, est-ce qu'il y a des cours? Non, mon frère, il n'y a pas de cours. Une sayyi'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne dans la communauté, sans exception, sauf une personne qui était incapable, quelqu'un qui a vraiment des excuses, quelqu'un qui a dit moi j'ai fait de mon meilleur et je ne peux pas faire la différence. Voyez-vous, donc ça c'est quelque chose qui est très très importante et qu'on devrait toujours avoir en quelque sorte dans notre esprit. Oui, le frère. Par exemple, qui est dans une ville ou un village, il n'y a ni mosquée ni communauté musulmane, elle est tout seul, il y a juste les non-musulmans autour de lui. Il doit faire la visite. Une personne qui vit dans une communauté, dans un lieu dans lequel il n'y a pas de musulmans, et pire que ça, il n'y a pas de moyen pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de, n'est-ce pas, il n'y a pas de jumu'ah, etc. Il n'y a aucun doute. Là, c'est essentiel. Là, c'est l'une des choses les plus importantes qu'elle devra faire. La hijra, ça veut dire se déplacer vers un lieu dans lequel il y a une mosquée, une communauté musulmane. Parce que bien sûr, on a des obligations en tant que musulman, voyez-vous. On a le Jumu'ah, on a l'Eid, on a des obligations communautaires. Alors si tu es tout seul, tu vas vivre comment? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit que s'il y a un groupe de personnes, un groupe de musulmans qui vivent dans un village ou autre et qui ne font pas salatul jama'a, qui ne font pas la prière de groupe, ça veut dire qu'il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de prière de groupe qui se fait, le shaitan va prendre possession d'eux. Fini. Il va te rester quoi de ta religion, n'est-ce pas? Si tu n'as pas de mosquée, si tu ne vas jamais dans ta vie au masjid, etc., tu n'auras point de religion et point de foi qui va rester. C'est clair? Il y avait une question. C'était la même chose? Taïb. Non, la Jumu'ah. Bon, ça c'est une question hors sujet un peu, mais la Jumu'ah, normalement, ça se fait avec le groupe des musulmans. Maintenant, que ce soit à la mosquée ou bien que ce soit dans une salle qui est louée, etc., ça c'est une autre chose qui dépend des circonstances des gens. Mais ça doit se faire avec le groupe. Jama'atul muslimin, ça veut dire, c'est pas quelque chose que tu vas faire juste moi et toi, ok, on va faire notre propre Jumu'ah dans notre bâtiment. N'est-ce pas? Et le bâtiment à côté va dire, oh, on va faire notre propre Jumu'ah aussi dans le corridor, etc., etc. Il n'y aura plus de... Donc, normalement, la règle générale, c'est que la Jumu'ah se fait pour la communauté en tant que telle. Maintenant, si il s'avère qu'il y a plusieurs masjids dans un quartier, etc., il n'y a pas de mal à prier là où tu veux. Non. Il y avait d'autres questions sur ça? Taï. Et regardez, subhanallah, jusqu'au point aussi, en parlant de la question de la formation des savants, jusqu'au point où les ulamas, certains juristes, ils ont dit que la zakat, ça veut dire l'argent de la zakat, on sait que l'argent de la zakat, qui est l'aumône obligatoire, une fois par année, qu'on donne si on répond aux critères de richesse désignés dans les livres de fiqh, mais ce troisième pilier de l'islam, on sait tous qu'il y a son budget, en quelque sorte, est divisé sur 8 catégories. Voyez-vous, il y a 8 catégories, comme les personnes nécessiteuses, n'est-ce pas, dans la libération des esclaves, etc., etc., ça, on le sait. Mais les ulama, ils ont dit, plusieurs ulama, ils ont dit que l'une des catégories qui sont admissibles, n'est-ce pas, au budget de Az-Zakat, c'est les personnes qui se consacrent à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au point où certains, ils disent que une telle personne, on lui donne de l'argent de la zakat, même si elle est riche. Même si elle est riche, même s'il est millionnaire, on lui paye de la zakat. C'est son salaire, on va lui dire. C'est pour ça que lors du temps de Omar radiallahu ta'ala anhu, comme dans certaines narrations, qu'est-ce que Omar radiallahu ta'ala anhu a fait? Il prenait certains des jeunes, des musulmans, il les mettait comme ça à temps plein. Leur travail, c'était l'apprentissage de la religion. Tu es payé pour apprendre. C'est une bourse. Voyez-vous, c'est une bourse parce que on a besoin de toi dans l'avenir de la communauté. Et c'est comme ça que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être. On doit toujours préparer des gens à l'avance. Donc là, c'est une obligation. Comme je le rappelle à chaque fois, une obligation sur la communauté. Dans chaque communauté du monde musulman, une ville, un village, autre chose, qu'en permanence, ils doivent regarder loin et vont se dire, nous, dans 5 ans, dans 10 ans, probablement qu'on n'aura plus de savants, c'est parce qu'on a juste deux chouyours qui sont avec nous et qui ont 70 ans, 80 ans, voyez-vous. On doit penser à la relève d'aujourd'hui, une obligation. Ils doivent désigner certaines personnes qui sont jeunes comme ça. Il va dire, vous, on va vous envoyer vers un lieu où il y a des ulamas, vous allez apprendre la religion et vous allez revenir. Et on vous prend en charge financière. Oui, mon frère. Ok, excellente question. Taïb, excellente question. Le frère, il dit, pourquoi est-ce que ces ulama se sont permis pour dire que la zakat, on la donne à des gens qui étudient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi la preuve? La preuve, c'est qu'ils vont faire entrer ça dans l'une des catégories qu'on a mentionnées, qui est wa fi sabilillah. Fi sabilillah, n'est-ce pas? C'est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, à la base, le tafsir des ulama à la base, qui en quelque sorte à l'unanimité, c'est que fi sabilillah, c'est pour les soldats musulmans. Voyez-vous, c'est pour les soldats qui protègent les terres musulmanes, etc., etc. Et pour l'armée musulmane, on dépense sur l'armée en tant que telle de l'argent de la zakat, il n'y a pas de mal. Mais les autres ulama, ils ont dit fi sabilillah, n'est-ce pas, toujours al-ilm qarin al-jihad. La connaissance, c'est une chose qui est encore plus importante que l'armée. C'est parce que l'armée en tant que telle, c'est fait pour protéger la religion. La connaissance, c'est la religion en tant que telle. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut entrer ça dans fi sabilillah. C'est parce que c'est avec ça la préservation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Jazakallah. Taïb, la question qu'on va se poser maintenant. On a dit, et vous allez me répondre, on a dit que l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'une des obligations. C'est une obligation sur chaque musulman, avant même l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par obligation? Est-ce que l'obligation, c'est où que ça s'arrête, cette obligation? Est-ce que tu dois avoir un bac en sharia pour dire que moi j'ai fait mon obligation? Est-ce que tu dois apprendre le Coran au complet, une maîtrise, c'est quoi? C'est où que ça s'arrête selon vous? C'est parce qu'habituellement, une obligation, ça a des limites pour savoir est-ce que j'ai fait mon obligation ou bien je ne l'ai pas fait. Oui. Ok, excellent, Moumtaz. Donc le frère vient de nous donner une partie de la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Oui. Mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne finit pas, la science. La science, oui, ça ne finit pas. Mais on parle ici des obligations. C'est parce qu'habituellement, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, une obligation se termine toujours. Ça veut dire qu'il y a toujours des limites. Ça veut dire que tu as l'obligation de faire tes 5 prières. La prière, tu la connais. Elle commence par Allahu Akbar, elle se termine par Assalamu alaikum. Si tu répares tous les critères, tu vas dire Alhamdulillah, j'ai fait ma prière de Salatul Asr. Maintenant, bien sûr, la ibadah ne s'arrête pas. Tu veux faire 2 raka'a de plus après Dhuhr, 4 raka'a de plus, tu veux lire le Coran, c'est libre à toi. Mais on parle ici de l'obligation, elle est limitée. Oui. Après moi, c'est au fait fur et à mesure que tu avances dans la vie, que tu as besoin de savoir, progresse dans la vie, tu as besoin de savoir quelque chose de nouveau pour que tu rajoutes la connaissance et la connaissance que tu as besoin par rapport à ce que tu vis actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent dire la main ou du chou. Oui. C'est sûr certain que tu as besoin de savoir au fur et à mesure que tu progresses. Exactement, c'est aussi une partie de la réponse. Je vais vous donner la réponse, inshallah ta'ala, au complet. Première chose, bien sûr, chaque musulman a l'obligation d'apprendre les fondements de la religion en tant que telle. Ça veut dire apprendre c'est quoi sa croyance, c'est quoi sa religion. Ça veut dire le début, là, le ABC. Voyez-vous, chaque musulman a l'obligation de connaître c'est quoi arkanul iman, c'est quoi les piliers de la foi. Voyez-vous, connaître en général le principal de la vie du prophète alayhi salatu wasalam. C'est qui cet homme Muhammad sallallahu alayhi wasalam? Demande à plusieurs musulmans de nos jours, demande-leur, est-ce que toi t'es musulman? Oui. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wasalam c'est ton prophète? Oui. C'est qui la personne que tu aimes le plus, l'être humain que tu aimes le plus? C'est Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Ok, très bien. Parle-moi comme ça en 5 minutes de Muhammad sallallahu alayhi wasalam. C'est qui? En fait, je sais qu'il est né à la Mecque là et ouais, c'est ça. Voyez-vous? Tu as l'obligation de connaître en général c'est qui ton prophète, alayhi salat wa salam, c'est quel type de personne qu'il était. Voyez-vous, c'est quoi les traits généraux de son message, de sa vie, etc. etc. C'est pas nécessaire que tu sois un savant qui connaît toute la biographie. Tu vas dire à telle année le prophète alayhi salat wa salam a fait telle chose et telle chose et telle chose. Mais c'est nécessaire de lire au moins un livre comme ça résumé sur la vie du prophète alayhi salat wa salam pour avoir une connaissance générale de cette personne qui est notre bien-aimé alayhi salat wa salam. La même chose, connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, connaître aussi qu'est-ce qui va se passer après la mort. En général, tu ne peux pas tout connaître. Tu dois être un savant pour connaître tous les hadiths, les détails, etc. Mais tu dois connaître qu'il va y avoir la vie transitoire dans la tombe, le barzakh, entre cette vie du bas-monde et entre le jour dernier. Et le jour dernier, tu vas être responsable selon quels critères. Tu dois le savoir, que ce qui va y avoir les bonnes actions et les mauvaises actions et la balance entre les deux, etc. etc. Voyez-vous, quelles sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne? Quelles sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas? Quelles sont les choses, et ça c'est très important, et c'est aussi nécessaire que les gens sous-estiment beaucoup de nos jours, qui annulent ta foi en tant que telle. Ok, tu as compris ta foi, mais c'est quoi qui est contraire à ta foi? Ça veut dire, c'est quoi qui pourrait te porter comme ça à l'extérieur des limites de l'islam, sans même que tu vas t'en rendre compte? Wal'iyadu billah, ça c'est très important, voyez-vous, comme il y a des personnes, tu dis, moi je suis musulman, tu le mets en colère juste un peu, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il insulte le prophète alayhi salatu wasalam, wal'iyadu billah, etc. C'est des choses... T'es dehors en 3 secondes, là, comme ça, comme une flèche, voyez-vous. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître pour le musulman. Aussi, connaître les fondements, les lignes générales et principales de ce qu'on appelle al-akhlaq, ça veut dire du comportement, de l'éthique du croyant. Encore une fois, l'éthique en tant que telle, c'est une question de modèle, n'est-ce pas, de vie exemplaire. Donc ça ne se termine jamais. Tu peux passer toute ta vie à apprendre sur l'éthique du prophète, alayhi salatu wasalam, et la parfaire. Mais tu dois apprendre en général, voyez-vous, qu'en islam, ce n'est pas bien d'être injuste, que c'est haram de faire la médisance, de faire al-riba. Voyez-vous, tu ne peux pas dire, ah, moi, c'est juste ma langue, là, je parle, c'est normal. Et tu parles, et tu critiques, et tu parles de lui et d'elle, et de lui et d'elle. Ah oui, c'est vrai, c'est haram, je ne savais pas, voyez-vous. Non, si tu as fait le moindre effort pour vouloir apprendre ta religion, tu vas savoir que mentir, c'est interdit, que faire la médisance, c'est interdit, etc., etc. Aussi, en termes de Coran al-Karim, est-ce que c'est nécessaire d'apprendre tout le Coran? Est-ce que c'est obligatoire d'apprendre tout le Coran? Non. C'est quoi l'obligation dans le Coran? Qui pourrait nous dire? On n'a pas de cadeau comme hier, mais on aurait pu pas dire. Oui. Ok, tajwid, ok. En termes de récitation, de lecture, oui. Toute personne a l'obligation dans le raisonnable d'apprendre comment lire de façon qui est correcte, le Coran al-Karim, pas de devenir un expert. Mais je parle ici en termes de rétention, mémorisation. Le par cœur, c'est quoi l'obligatoire? Fatiha. Voyez-vous, surat al-Fatiha. C'est parce que surat al-Fatiha, si tu ne sais pas lire le Fatiha, ta prière n'est pas acceptée. Voyez-vous, donc, la personne a l'obligation d'apprendre surat al-Fatiha. Ce n'est pas pour dire que apprenez Fatiha, vous allez vous arrêter. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle ici en termes d'obligation. Ça veut dire, quand une personne, elle se convertit à l'islam, elle va dire, dites-moi, c'est quoi mes obligations maintenant? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Apprends surat Al-Fatiha. C'est ça ta responsabilité. Même si ça va te prendre un mois, concentre-toi sur Surat Al-Fatiha. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est ce qui est général. Il y a aussi les adorations, les actes qui sont communs à chaque musulman et musulmane. Comme la prière. Voyez-vous, la prière, ça touche à tout le monde. Il n'y a pas une personne qui est excepté pour l'obligation de la prière. La zakat, quelqu'un peut dire, moi, depuis 20 ans, je ne trouve presque jamais de quoi manger. C'est toujours mes voisins qui me donnent un don pour manger. Je n'ai pas à prendre la zakat. Ça ne me touche pas. Voyez-vous? Ça ne parle pas à moi. Mais la prière, par exemple, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, ça parle à tout musulman et musulmane. Donc là, on a l'obligation. C'est une obligation. Ce n'est pas optionnel. C'est une obligation à 100%, c'est garanti, croyez-moi. C'est une obligation d'apprendre comment faire la prière de façon qui est valide. Ça veut dire que tu dois apprendre comment est-ce que je vais m'assurer que quand je fais ma prière, elle sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne devrais pas juste te précipiter à faire la prière et faire plus de prières et encore plus, alors que peut-être ta prière n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ta priorité, c'est d'apprendre. Et c'est une chose qui est très simple, qui peut s'apprendre en 2-3 jours. Voyez-vous, ce n'est pas plus que ça. Premier jour, 2 heures, et deuxième jour, 2 heures de révision, troisième jour. Tout ce que tu as à faire, c'est demander à une personne qui s'y connaît ou bien en quelque sorte d'aller assister à un cours sur la prière ou de lire un livre comme ça qui est résumé, etc. Ça va te dire que voilà les conditions de la prière, telle et telle et telle chose, les conditions du wudu, les conditions, etc., etc. Oui. Il y a des gens parmi les musulmans, ils disent par exemple qu'ils font pas bien la prière, c'est-à-dire ils ne remplissent pas toutes les conditions de la prière. Oui. Et par exemple, s'ils sont morts sur cet état-là, est-ce qu'ils ont une excuse? Non, donc il n'y a pas d'excuse pour les ignorants. Une personne qui ne savait pas et qui est morte sur cet état, mais qui voulait faire la prière. L'excuse de l'ignorance d'une personne qui faisait la prière de la mauvaise façon et qui est morte comme ça, qui est décédée comme ça, en termes de personne par personne, nous on ne peut pas juger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge. Mais pour la règle générale, si la personne n'avait pas d'excuse, ça veut dire si elle avait accès à la connaissance, à pouvoir apprendre, et que c'était une chose qui était vraiment flagrante là, et qu'elle n'a jamais cherché à apprendre, qu'elle n'a jamais demandé, non. La règle, c'est qu'elle ne sera pas excusée et sa prière n'est pas acceptée. Comme si quelqu'un, comme j'ai déjà lu une question comme ça de quelqu'un qui a envoyé une question à un cheikh, il a dit, bon, là c'est quelqu'un né musulman, il prie depuis des années, etc. Il dit à cheikh, je viens d'entendre parler de quelque chose qui s'appelle le ghusl, le bain rituel. Jamais entendu parler de ça avant ça. Je prie, ça fait des années, mais jamais fait mon bain rituel. Voyez-vous? Je ne sais pas comment est-ce que ta prière va être acceptée. Non. Oui. Oui. Oui. Oui, exact. L'ignorance est pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné, dans les situations qui sont excusables. Ça veut dire une ignorance qui est justifié. Ça veut dire, ça c'est deux choses. Première chose, pour la personne qui n'a pas accès à la connaissance. Ça veut dire quelqu'un, comme les ulama, ils donnent un exemple de ça, comme celui qui vient de se convertir à l'islam. Ou bien celui qui est né dans un pays qui est éloigné des terres de l'islam et qui n'avait pas la chance de voyager ou de chercher, etc. C'est pas de sa faute. Voyez-vous, donc cette personne-là, elle va adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ses capacités, selon ce qu'elle peut avoir accès comme connaissance. Voyez-vous? Mais une personne qui avait accès à l'information, qui avait des ulama, qui avait des cours, qui avait des livres, qui avait tout ce que tu peux imaginer, mais lui s'est dit, c'est pas quelque chose qui est grave, c'est pas nécessaire pour moi de chercher la connaissance, alors ça, on appelle ça un mufarrit, c'est quelqu'un qui n'a pas fait son travail, sauf dans ce qu'on peut appeler al-masail al-khafiyya. Ça veut dire qu'il y a des choses parfois qui sont très précise comme ça, voyez-vous, des détails précis comme ça, c'est pas quelque chose de grand comme ça que tout le monde parle de ça et que la personne ne s'est jamais dit, ne s'est jamais imaginé, ah peut-être que ça c'est une chose que je devrais demander à un savant. Il a toujours cru que c'était comme ça, ça Allah Ta'ala yaghfiruhu insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour des choses qui sont sérieuses, qui sont graves, comme on l'a mentionné, quelqu'un qui prie depuis des années sans faire son bain rituel et qui vit dans un pays musulman et qui a accès à des ulama, etc., je m'excuse, mais tu peux difficilement imaginer pourquoi est-ce que une telle personne était ignorante et qu'elle n'a pas fourni en quelque sorte l'effort de l'apprendre. Non. Taïe. Un autre exemple de ce qui est obligatoire. Et ici, on tombe dans des obligations, de la connaissance qui touche à des personnes en particulier. On avait dit qu'il y a une connaissance qui est commune à tous les musulmans. Apprendre ta croyance, comment faire ta prière, etc. Ça, c'est tout musulman qui doit l'apprendre. Il y a d'autres obligations qui sont spécifiques à toi en tant que personne. Comme pour une personne, par exemple, qui est impliquée dans un domaine qui lui est spécifique, un domaine particulier, comme le commerce. Moi, je suis un commerçant. Ma vie, c'est mon travail, je suis un commerçant. Je me fais de l'argent, je me fais des millions avec ça. Voyez-vous? Alors là, mon obligation, c'est quoi? D'apprendre comment faire le commerce selon la bonne façon. Comme Ali, radiallahu ta'ala anhu, quand il était le calife, il interdisait à la personne qui ne savait pas les règles du commerce à faire le commerce. C'était interdit. Voyez-vous, tu ne peux pas être dans le marché et faire le commerce si tu ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire riba et qu'est-ce que ça veut dire les transactions qui sont halal et haram, etc. Ça veut dire pour qu'on te donne ton registre de commerce, comme ça ton certificat pour ouvrir ton commerce, tu dois prouver que toi tu connais les règles du commerce. Et ça, ça devrait être fait dans tous les pays musulmans de nos jours. Voyez-vous, à la place de demander aux gens de, tu dois payer la taxe de je ne sais pas quoi et taxe de telle chose et ramener telle, n'est-ce pas? Certificat de naissance de ton père, de ton arrière-grand-père, et de, je ne sais pas quelle chose, on devrait demander aux gens de passer un petit examen comme ça pour prouver est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire riba, c'est quoi les conditions du commerce, etc. Et si ces autorités-là voulaient vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est facile à faire et ça ne prend des pas plus qu'un peu d'effort et les gens vont fournir cet effort qui est nécessaire. La même chose, parfois ta situation particulière personnelle. Si quelqu'un, il est célibataire, célibataire, pas de problème, peut-être un problème. Mais si quelqu'un est un célibataire, n'est-ce pas? Il va dire, on va lui demander, mon frère, c'est quoi les droits et les obligations de l'époux et de l'épouse en islam? Je ne sais pas, je n'ai jamais été marié. Pas de problème, on va demander à quelqu'un d'autre. Mais si tu vas demander à quelqu'un qui est marié, tu vas lui dire, c'est quoi les droits et les obligations de l'époux et de l'épouse en islam? Il va te dire, je ne sais pas, c'est un sérieux problème. Tu viens de t'engager dans un mariage, mithaqun ghaliz, un contrat qui est sérieux, un contrat qui est presque à vie, vois-tu? Tu viens d'entrer dans une famille, c'est un grand changement dans ta vie. Avant de t'engager dans une telle étape, tu dois apprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande de faire à l'intérieur de ta famille. C'est quoi les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie familiale, voyez-vous? Ton comportement envers ton époux, bien ton épouse, ta responsabilité envers tes enfants. Comment faire le divorce? Quelqu'un il veut divorcer sa femme. Comment tu divorces ta femme? Il y en a, subhanallah, de nos jours, qui, surtout dans certains pays musulmans, ils prennent ça très à la légère. Il a divorcé sa femme peut-être 100 fois, sans exagération. Il vit encore avec sa femme, qui n'est pas sa femme en réalité. Elle est divorcée depuis longtemps. Ils vivent dans le haram comme ça, normal là. Ça fait pas longtemps comme ça, on m'a demandé cette question. On m'a dit, on parlait du cas de quelqu'un comme ça dans un pays musulman. On parlait, on disait, telle personne, il est mort, ça fait 2 ans comme ça, etc. Pour ce qui est de l'héritage, est-ce que son ancienne femme, elle a droit à l'héritage ou non? C'est parce que maintenant, elle a fait une demande pour avoir l'héritage, etc. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par son ancienne femme? Il m'a dit, ben, son ancienne femme, là, ils ne vivent plus depuis 15 ans. J'ai dit, ok, mais... Ancienne femme ou femme, il y a ancienne femme et il y a femme. Voyez-vous, est-ce qu'ils sont divorcés ou non? Divorcés, ben, on ne sait pas. Et ça, c'était des proches, les proches, vraiment l'entourage de la personne. Ils m'ont dit, on ne sait pas. Il n'a jamais vraiment divorcé sa femme. Là. On ne sait pas s'il a divorcé sa femme ou bien s'il ne l'a pas divorcé. Tout ce qu'on sait, c'est que, bon, ça fait 15 ans, là, ils n'étaient pas d'accord. Et chacun vit par soi-même. Et c'est comme ça depuis 15 ans, il s'est remarié, etc. Oui, mais ils sont divorcés ou bien ils ne sont pas divorcés, voyez-vous? Il y a 2 choses en islam. Vous êtes divorcé ou bien vous êtes marié. Et les gens prennent ça là, légère. Alors que, subhanallah, il n'y a presque pas plus grave que ça. C'est une question de relation là. C'est soit relation halal, vous êtes marié, ce qui implique que tu as de sérieuses obligations envers elle et elle a de sérieuses obligations envers toi. Ou bien vous êtes divorcé dans quel cas, c'est haram, vous êtes des personnes étrangères. S'il va y avoir des relations, ça va être des relations qui sont Haram qui sont dans l'interdit. Il n'y a pas de différence entre avoir des relations avec une femme que tu as divorcée, entre avoir une relation qui est avec une femme qui était haram à l'extérieur, dans la rue, voyez-vous. Mais les gens prennent ça très à la légère. Et ils compliquent les choses. Et ça, ça arrive toujours, toujours, toujours. Ils font des complications graves. N'est-ce pas comme dans les hôpitaux, comme ça, les complications, n'est-ce pas, complications d'une maladie, c'est la même chose. Ils mélangent la situation d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Après ça, ils viennent à la mosquée, on veut voir le imam. Il y a imam, on a un problème. On veut que tu nous règles le problème. C'est quoi le problème? Ben voilà l'histoire. Et il te sort l'histoire de, comme ça, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'est-ce pas? Plusieurs éléments. Ouais, je pense on avait fait le divorce. Ça fait combien de temps? Je sais pas. Est-ce que ta femme, elle était dans une période de divorce ou bien c'était pas une période de divorce? Ben, je me rappelle plus. Et telle chose, telle chose. Qui va te trouver une solution à une telle situation? Voyez-vous? Est-ce que tu veux que l'imam va te faire une enquête sur ta vie, revenir à 5 ans et enquêter sur ta vie, etc. Si toi-même, tu ne connais pas ta vie, si toi-même, tu ne travailles pas d'une façon qui est selon les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, oublie, tu vas être dans le haram et tu vas manger le haram et vivre dans le haram et faire tout ce qui est haram sans même t'en rendre compte. C'est ça le danger de la chose. Peut-être que lui, il est en train de dire aux autres, regardez, lui, il fait le haram, astaghfirullah. Lui, il n'a pas honte, astaghfirullah. Et lui, ça fait des années qu'il baigne dans le haram, al-iyadu billah, sans même qu'il s'en rende compte. Non. Nous avons dit que, par exemple, une personne qui est en colère et elle dit un mot qui le fait sortir de l'islam, oui. Elle sort de l'islam. Sauf si c'est une colère qui est exagérée, une colère qui atteint le degré de l'irlaq, ça veut dire qui est presque de l'ivresse, il ne sait plus qu'est-ce qu'il est en train de dire, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est conscient, qui a une colère qui est consciente, qui garde sa conscience, qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il sort de l'islam. Ça, il n'y a pas de doute, ça. Est-ce que c'est la même chose avec l'époux ou l'épouse qui sort des mots, par exemple, on sait qu'en islam, si l'homme veut divorcer sa femme, il dit je t'ai répété 3 fois. Oui. Donc, non, c'est une fois. Donc s'il le dit en colère, c'est la même chose. La colère est de plusieurs niveaux. Même si ce n'est pas notre sujet, rapidement comme ça, la colère est de plusieurs niveaux. Les ulama, ils disent que la colère qui est extrême, ça veut dire dans le cas où l'homme est presque en état d'ivresse. Il est tellement en colère comme ça, il ne contrôle plus, il ne sait plus qu'est-ce qu'il dit. Le divorce ne compte pas dans une telle situation parce que c'est comme quelqu'un qui est fou. Il n'est plus un aqil. Ça veut dire ses actions ne sont plus comptabilisées, voyez-vous. Mais s'il est dans colère mild, n'est-ce pas, quelque chose qui est comme ça, une colère douce comme ça, n'est-ce pas, normale, régulière. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui divorce sa femme et qui est en état de joie comme ça. C'est la fête. Oui. Quelqu'un qui prononce, par exemple, qui va sortir de l'islam, mais qui n'arrive pas à conscience. C'est-à-dire qu'il ne sait pas parler. Ok. Taïb, donne-moi juste 2 minutes, je termine juste ce point, après ça, je reviens à ta question. Ok. Taïb, rapidement comme ça, parce que on a pas mal pris du temps avec cette séance. Non. Aussi, un autre exemple de la connaissance qui est obligatoire et qui est personnelle à la personne particulière, à toi en tant que personne, c'est que parfois, toi, une personne, pourrait avoir des questionnements sérieux sur sa foi, des doutes, n'est-ce pas, des choubouhettes, n'est-ce pas? Alors, ces choubouhettes-là, ça devient obligatoire pour la personne d'aller chercher la connaissance. Quelqu'un va dire, dans mon cœur, comme ça j'ai honte de le dire, mais vraiment j'ai des doutes sur ma religion. Sur tel et tel et tel aspect, c'est obligatoire pour lui d'aller demander pour enlever ses choubouhettes. Ce n'est pas comme ce qui est différent de quelqu'un qui a le yaqin sur sa religion et l'entend parler de choses. Il va se dire, moi je ne vais pas perdre mon temps à répondre à toutes choses que ce que les ennemis de l'islam ils vont dire. Ce n'est pas de mes affaires. Moi j'ai le yaqin en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas grave. Mais si quelqu'un il a des choubouhettes, ça lui cause des doutes, de la confusion dans son cœur, il a l'obligation d'aller poser la question au ulama pour qu'il puisse lui donner les réponses satisfaisantes. Non. Là, le waswas, regardez, le waswas c'est différent de la conviction. Quand on parle de le waswas c'est, comment ils appellent ça en français? Les waswas du shaitan, c'est les suggestions, quelque chose comme ça. N'est-ce pas le discours interne que le shaitan il te dit, voyez-vous? Le chuchotement de la shaitan. Ça c'est les paroles de shaitan. T'es pas responsable tant que toi tu les rejettes. Tant que toi, tu les rejettes. Ça, c'est toute personne est sujette à l'ouassouas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé comme ça. C'est ça, en quelque sorte, le test, l'épreuve dans cette vie du bas-monde. Shaitan, il va te dire, va voler tel argent, va faire telle chose qui est haram, va faire. Il te propose, voyez-vous. Mais le chuchotement, c'est une chose. tu es en train d'écouter des choses. C'est comme tu écoutes quelqu'un qui te parle, un humain qui te parle, tu es en train d'écouter mais sans voix. Tu écoutes des informations. La conviction étant une autre chose. Toi, tu es responsable de tes convictions. Voyez-vous ? Si quelqu'un, par exemple, le shaitan lui met des doutes comme ça dans son cerveau, et lui dit « A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah », il est en train de se dire à l'intérieur, il n'est pas responsable. Mais si quelqu'un maintenant entre dans la confusion, il est vraiment confus. « Ah, peut-être que c'est vrai », il commence à réfléchir. « Ouais, mais peut-être ça a du sens et je ne comprends pas très bien. Est-ce que ça, c'est vraiment la religion, etc. ?» Là, il est dans le waswas, il doit se renseigner auprès des savants. Maintenant, si ces doutes-là se transforment en conviction, c'est là où peut-être la personne pourrait même sortir de l'islam. Si c'est un i'tiqad, ça y est, il met ça dans son cœur. Comme quelqu'un, il va dire « Ah, le Coran, ce n'est pas vraiment le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais je vais le garder dans mon cœur, je ne vais pas le dire aux gens. » Voyez-vous ? Ça, c'est une aqida, ça. Et ça, on est tous d'accord que ce n'est pas un musulman, c'est parce qu'il n'a pas la foi en les livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Puis, comme le remède contre le waswas, est-ce que vous connaissez des trucs là, contre le waswas Le waswas, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, « فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ » Si c'est un waswas qui traite de la foi, qui touche à ta foi, tout ce que tu dois faire, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, et tu coupes la réflexion du shaitan. Si c'est un simple waswas, comme j'ai dit. Différence entre waswas et entre doute et confusion. Quelqu'un qui doute et confusion, ça veut dire que c'est quelque chose vraiment à l'intérieur de son cœur. C'est lui qui est partagé là. Il est 50%, 50%. Lui, il doit aller poser la question pour avoir les réponses. Le waswas, c'est autre chose. C'est des suggestions. Tout comme tu vas ouvrir la télé, on va te dire « Ah, l'islam, c'est une religion agressive, violente, telle chose, rétrograde. » Ça, c'est un waswas. C'est Shayatin ou l'ins qui sont en train de te faire le waswas. C'est la même chose. Toi, tu n'es pas en train d'absorber ça, voyez-vous. Donc là, si le shaitan te propose des choses comme ça, le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il dit « فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ » Tu dis « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلْيَنْتَهِ » Tu coupes la réflexion. Ça s'arrête ici. Tu passes à autre chose. Essaye de réfléchir à autre chose. Même si le shaitan continue, tu continues. Jusqu'à ce qu'il parte et qu'il va te quitter. Et tu peux faire autre chose. Tu peux faire le wudu, tu peux faire le adhan, n'est-ce pas le adhan, parce que le shaitan, il prend la fuite quand il entend le adhan, etc. Ça, c'est des choses qui font partir le shaitan. Tu peux lire surat al-falaq, surat an-nas, n'est-ce pas. Ça, c'est des ayats. Et en général, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partir le shaitan. Oui. La même chose. Si c'est shayatin ou l'ins, les shaitans des êtres humains, c'est la même chose. Tout comme tu dois couper la réflexion du shaitan, shaitan de l'ins, quelque chose sur la télé comme ça. Plus facile que shaitan le djinn. Un seul bouton, alhamdoulilah, de nos jours, comme ça, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Taïb, rapidement comme ça, Taïb. Maintenant, on a dit, ça c'est le cadre, n'est-ce pas, la quantité, ce qui est obligatoire à apprendre de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chaque personne. Maintenant, il y a l'obligation qui est, ou bien la connaissance qui est optionnelle. Ça veut dire le plus que l'obligatoire. Et ça, c'est quoi, selon vous? C'est quoi ces limites? On a dit que les obligations, c'est ça leur limite. C'est ce qui touche à ta pratique qui est obligatoire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te questionner le jour du jugement. Maintenant, il y a la connaissance qui est optionnelle. C'est quoi? De frère, tu avais une réponse? Exactement, c'est ce qui est en plus de l'obligatoire, toute connaissance qui est bénéfique sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'a pas de limite. C'est une chose qui est sans limite, comme on va le voir un peu plus tard, inshallah ta'ala, et c'est cette connaissance optionnelle qui va faire la distinction entre le savant et entre le croyant qui applique bien sa religion. Il y a quelqu'un qui apprend les obligations et dit « Moi, j'applique bien ma religion, alhamdoulilah, je connais un peu de Coran pour lire, etc., je sais comment faire la prière, etc. » À part ça, moi je suis un homme de commerce, je me fais de l'argent, je donne la sadaqa, c'est tout. Je ne veux pas ça, moi, apprendre la religion, etc. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais il y a quelqu'un qui va vouloir maintenant apprendre le Coran au complet, apprendre les 10 récitations du Coran, Al-Karim, apprendre le hadith, ça, et connaître les hadiths par cœur, etc. Ça c'est l'optionnel, c'est une chose en quelque sorte qui, c'est pas quand on dit optionnel, c'est pas comme quelque chose qui est, non, c'est, on a dit, c'est miratul anbiya, c'est l'héritage des prophètes, c'est ce qui fait de toi un héritier des prophètes, alayhi mussalatu wa assalam, et ça peut devenir une obligation, ça peut devenir une obligation, comme on l'a mentionné, sur certaines personnes, comme ici, il y a un petit piège comme ça, un petit piège, n'est-ce pas? Un âme sans comme ça, ça te tire et après ça, tu es dans le piège. Mais c'est un bon piège qui te mène vers le paradis, Inch'Allah, et vers les hauts degrés. Les ulama, ils ont dit par exemple, si quelqu'un, il trouve qu'il est intelligent et qu'il a commencé à apprendre la religion et qu'il la comprend bien et qu'il voit qu'il peut bien comprendre la religion et qu'il a pas mal appris sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire pour lui de continuer. Il n'a pas le droit de revenir en arrière. C'est parce qu'il s'est engagé dans ce chemin alors qu'ils suivent le chemin des ulama pour qu'ils puissent bénéficier à la umma du prophète alayhi salatu wa salam. La même chose pour les ulama, quelqu'un qui est déjà un alim, c'est un alim dans un domaine, mais il ne connaît pas grand chose sur la zakat, et les gens cherchent, ils disent on a quelqu'un pour nous apporter des réponses sur la zakat, alors l'un d'entre nous devra apprendre. Le plus apte c'est toi, parce que toi tu connais déjà les règles de la salat et ramadan, tu es notre savant mais tu connais pas la zakat, alors va apprendre la zakat et viens nous apporter les réponses. Mais aussi il a un droit sur eux, vous allez me prendre en charge, j'ai des responsabilités etc, vous me payez le voyage pour aller voir les ulama etc etc, ça c'est leur responsabilité à eux, qui ont une responsabilité qui est partagée. Et finalement rapidement comme ça, wa min furudul kifaya, l'une des obligations aussi qui sont optionnelles mais qui sont une obligation sur la communauté, ça veut dire on doit s'assurer d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, c'est les sciences bénéfiques qu'on connaît de nos jours qui n'ont pas directement lien avec la religion. Ça veut dire la médecine, la chimie, la physique, etc. etc. Ça c'est des sciences qui représentent furudul kifaya. Ça veut dire la même chose. Les musulmans, ils ont l'obligation de s'assurer que parmi eux, il va y avoir un nombre suffisant de médecins, un nombre suffisant d'ingénieurs, de telle chose, de telle chose, de telle chose, de façon à ce que ce nombre-là réponde au minimum qui est requis pour que la vie communautaire fonctionne d'une façon qui est normale. Ça, ça fait partie aussi de furudu al-kifaya. Est-ce que c'est clair de ce qu'on vient de mentionner? Tayyib. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Avant qu'on fasse Salatul Maghrib, qui est dans environ 5-10 minutes comme ça. Oui. C'est par rapport. On va parler de ça, Inch'Allah. On va parler de ça. Quand on va parler de la méthodologie, de l'apprentissage, on va avoir une section sur ça, Inch'Allah, sur la question de la spécialisation. Se spécialiser dans un domaine ou bien être un savant en général. On va parler de ça en détail, bi'idnillahi ta'ala. Une autre question? D'autres questions? Oui. Oui, ok. Le frère, il pose une question ici importante. Essayez juste de vous concentrer parce que la réponse est un peu nuancée, un peu détaillée. Ok? Le frère, il pose la question sur une personne qui dit quelque chose, qui le sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, une parole qui le sort de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans être conscient. C'est ça? Ça veut dire qu'il n'est pas conscient que avec ça, il va sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il y a une petite nuance à faire entre deux choses. S'il n'est pas conscient que ça c'est haram, que ça c'est mal ce qu'il est en train de dire, alors là, il est pardonné. Et bien sûr, sauf certaines choses où tu ne peux pas être inconscient. Voyez-vous, c'est comme, tu n'as pas besoin de prendre un cours, d'être un savant ou de demander à un savant pour savoir que insulter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est mal. Voyez-vous, c'est le contraire, c'est le pire contraire de la foi en tant que telle. C'est pas juste la mécréance, c'est être un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux de plus? As-tu besoin d'un alim pour te dire que ça c'est haram? T'as pas besoin de ça. Voyez-vous, donc. Mais il y a des choses parfois que la personne pourrait dire sans savoir que ça c'est une chose qui est mal. Et ça ne la fait pas sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si parfois elle va commettre un péché en n'étant une personne qui n'a pas cherché cette connaissance, si c'était une connaissance qui est obligatoire. Mais si la personne, et regardez bien cette nuance, si la personne savait que ces paroles-là sont des paroles qui sont mauvaises, qui sont blâmables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est haram, sans savoir que ça l'amène quand même vers la mécréance, elle est quand même tombée dans la mécréance, voyez-vous? Même si son intention n'était pas de commettre la mécréance, son intention c'était seulement de dire quelque chose, il disait, ah, c'est haram, mais je vais quand même le dire. Voyez-vous? La même chose pour les actions. Il y a des actions qui annulent l'islam de la personne, voyez-vous? Alors, tant que la personne, elle sait que cette action-là annule Tant que la personne sait que cette action-là, c'est une action qui est haram, ce n'est pas nécessaire par la suite pour elle de connaître que les conséquences, c'est qu'elle la fait sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est une chose qui est haram tant qu'elle sait que c'est haram. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit de certains des munafiqis, n'est-ce pas, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ imanikum. Il y a eu certains des hypocrites, des munafiqines comme ça, qui se moquaient des croyants et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Des moqueries comme ça. Alors, quand on leur a demandé pourquoi vous dites des choses comme ça, ils ont dit, ah, c'est juste des plaisanteries. Donc, eux, ils savent que ça, c'est des choses qui sont interdites. Mais ils ne savaient pas que leur interdiction avait comme conséquence même de les mener à l'extérieur de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient, ah, c'était juste des moqueries en quelque sorte, c'était des plaisanteries. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, pas d'excuses. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous êtes tombé dans le kufr après votre iman en quelque sorte. Non. Oui, exactement. Il doit faire sa taouba et revenir vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Non. On peut utiliser cette technique même si on n'est pas en prière. Allahu a'lam, je ne sais pas. Non. Oui. Oui, tu dois te dissocier de ces personnes-là. Si tu es présent avec une personne qui est en train de dire des choses graves sur Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, tu dois te dissocier de cette personne. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être avec elle dans la même assemblée, sauf si tu es en train de faire la da'wah. Tu parles avec quelqu'un qui n'est pas, mettons, qui n'est pas un croyant, et bien sûr, il va te dire, « Ouais, mais si Dieu, il existait, il aurait fait telle chose et telle chose et telle chose, il fait comme ça des choses, il pourrait dire comme ça des choses de kufr, etc. » Là, tu es en train de faire la da'wah, tu es en train de faire le débat, tu défends la vérité. Mais si c'est pour rester avec la personne, seulement pour rester avec elle comme ça, elle est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, etc., ça, c'est autre chose, tu devrais te dissocier de cette situation-là. Ok, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, mais tu dois rester dans un lieu qui est différent. Ça veut dire dans une salle qui est différente, une pièce qui est différente, une chambre qui est différente, mais pas, ça veut dire le sens ici, ce n'est pas, il n'y a pas une distance physique qui est nécessaire ou quoi que ce soit. L'important ici, c'est que tu ne participes pas à l'assemblée en tant que tel. À cette assemblée-là que les gens sont en train d'avoir et qu'ils se moquent d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., si ce n'est pas dans tes capacités de sortir, d'aller dans un autre lieu pour vivre, etc., dans le temps présent, ton obligation, c'est de ne pas être avec eux dans la même assemblée. Tu vas lire un livre, tu lis le Coran al-Karim, tu fais ce que tu peux faire, mais tu ne participes pas à l'assemblée en tant que tel. Oui. Si par exemple, concernant, c'est un peu la même chose, mais en même temps, c'est un professeur, tu es dans une classe, là, oui. Dans une situation qui est pareille, on parle d'une question qui est presque de darura. Ça veut dire, tant que tu ne fais pas avec l'intention d'être dans une assemblée, tu le fais avec l'intention d'être là pour acquérir une connaissance qui est nécessaire. Une connaissance qui est nécessaire, ça veut dire, quand il parle de choses comme ça, toi, tu ne participes pas au débat, sauf si c'est bien sûr pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et t'astaghfirullah ta'ala, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, bien sûr, avec la condition, comme on l'a mentionné, qu'il y ait derrière ça une connaissance qui est nécessaire. Ça veut dire, pour pouvoir de nos jours bien sûr avoir ton diplôme, etc., tu n'as d'autre choix que de passer certains cours comme ça bizarres pour faire les autres cours réels sur chimie, mathématiques et autres choses qui te sont bénéfiques. Là, il y a deux questions de plus, Inch'Allah, après ça on devra s'arrêter, Inch'Allah. Le frère derrière, parce qu'il n'avait pas posé de questions. L'un d'entre vous, Fadl. Taïb, très bonne question. Le frère, il dit, si tu as des examens, on te pose des questions. Voyez-vous, on te pose des questions, on va te dire telle chose et telle chose sur la théorie de l'évolution. Toi, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de défendre le kufr en tant que tel, de défendre la mécréance. Mais les ulama, ils mentionnent ici une règle très intéressante qui dit « Naqil al-kufr ilaysa bikafir ». Celui qui transmet, celui qui, en quelque sorte, fait la narration des mots de kufr, ce n'est pas un kafir, n'est pas responsable. Ça veut dire que toi, tu vas répondre « Selon la théorie de Darwin, voici les arguments qui sont utilisés. Telle et telle et telle et telle chose. Et telle et telle et telle. » Donc, tu vas pas le faire sous une forme que toi, tu es en train de défendre. Tu vas dire « C'est ça ce que la théorie, elle dit. » C'est ça ce que tel, entre guillemets, savant a dit. Il a prétendu que telle et telle et telle chose. Voyez. Donc toi, tu vas donner la réponse, juste la forme avec laquelle tu vas introduire la réponse pour exprimer que tu es seulement en train de raconter une réalité. Tu n'es pas en train de défendre une opinion. Non. Une dernière question, Inch'Allah. Frère, là-bas, passez en face. Est-ce que le rousl est obligatoire pour revenir à l'islam? Non. Revenir à l'islam, ça se fait pour une personne qui était dans Ar-Ridda, ça se fait avec Al-Shahada, bien sûr, et avec Al-Iqrar, et le fait de faire la Tawba, ça veut dire d'enlever la croyance qui était mauvaise, ou bien de se dissocier de l'erreur qu'il avait fait, ou bien qu'elle avait faite auparavant. Il reste combien de temps? Taïb, Inch'Allah, on va s'arrêter parce que Salatul Maghrib, c'est pour bientôt, Inch'Allah Ta'ala, et on va laisser les autres questions pour après ça, bi'idnillahi Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.